Jean Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici les grands titres. Deux personnes ont été tuées, une autre blessée par balle la nuit de ce dimanche à lundi sur la colline Kiramira, en zone Kiramira, c'est dans la province de Chibitoke. Et il était vers 23h. Une criminalité qui serait liée aux accusations de sorcellerie et des hommes de différentes provinces du pays, victimes des violences basées sur le genre, ayant participé à l'émission Gilichouche Kirige ce vendredi, déplorent qu'ils ne sont pas pris en charge au même titre que les femmes. Et l'équipe féminine de football du Burundi joue son match de phase de groupe avec le Botswana dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations féminines prévue au Maroc. C'est du 2 au 23 juillet en actualité africaine. Le 61e sommet de la CEDEAO a pris fin ce dimanche 3 juillet à Accra au Ghana. L'organisation s'est penchée sur ses mesures de rétorsion à l'encontre du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée. Et hors du continent africain, un mois et demi après la nomination d'Elisabeth Borne à Matignon, nous sommes en France, Emmanuel Macron a remanié ce gouvernement. L'annonce a été faite ce matin par communiqué, et cela par l'Élysée. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonjour, nous sommes le 4 juillet 2022. Deux personnes ont été tuées, une autre blessée par balle la nuit de ce dimanche à lundi sur la colline Kiramira, en commune Rugombo de la province Chibitoke. C'était vers 23h. L'administrateur de la commune Rugombo, Gilbert Manirakiza, s'est rendu directement sur les lieux avec le commissaire de police de Chibitoke. Il affirme que les enquêtes sont en cours pour savoir les auteurs et le motif de cette criminalité. Toutefois, l'administrateur Manirakiza fait savoir que cette criminalité serait liée aux accusations de sorcellerie et ou des conflits fonciers selon la population de la localité. Cette autorité affirme qu'après les funérailles des disparus, une réunion sera tenue à Kiramira pour demander à sa population de cesser la criminalité, surtout de remettre les armes pour ceux qui en ont aux instances de sécurité. Je venais de vous le dire, des hommes de différentes provinces du pays sont victimes de violences basées sur le genre, mais ne trouvent pas d'assistance, déplore-t-il, expliquant que l'intérêt est visiblement porté sur les violences faites aux femmes au détriment de celles faites aux hommes. Ceux qui ont participé à l'émission Gilichouche Kirige de ce vendredi sur Radio Isanganiro réclament la décentralisation des centres de prise en charge, traitant au même pied d'égalité les victimes. Suivez-les. Moi, je suis Minante Gitega. Je voudrais dire que les violences faites aux femmes sont plus considérées et on oublie celles faites aux hommes. Il arrive que les hommes soient victimes de violences basées sur le genre jusqu'à fuir leur maison, mais rarement les femmes quittent leur maison. Moi, c'est Utoi Thomas, depuis la commune Nyabitsinga de la province Luyigi. Les hommes sont également victimes de violences et j'ai appris qu'il y a un centre de prise en charge qui s'occupe des violences faites aux hommes. Pourquoi ces centres ne sont pas décentralisés dans d'autres provinces? Ces centres sont considérés comme des centres de santé. Les victimes peuvent être loin de ces centres. Par exemple, de Gitega à Luyigi, ce n'est pas facile. S'il y avait un centre de prise en charge ici, les victimes pourraient être prises en charge facilement. Le centre de Kayanza est unique dans tout le pays. Pour un homme violé de Charhozo ou de Moyinga, ce n'est pas facile d'y accéder. Je m'appelle Désiré de Gitega. Moi aussi, je vais insister sur ce sujet en rapport avec les violences faites aux hommes et aux femmes. Le centre de Gitega prise en charge aussi des hommes. C'est très difficile de dire que tu as été battu en tant qu'homme. Nous demandons aux décideurs de décentraliser ces centres. Je suis Juvenal de la zone Losengo en province Luyigi. Je veux revenir sur le sujet. Chez nous en zone Losengo, les femmes nous menacent beaucoup et ne sont pas assistées. Ce centre est nécessaire. Elles se cachent derrière les droits des femmes. Quand nous saisissons les instances, la question des violences faites aux femmes revient toujours en avant. Mais les hommes sont aussi victimes des violences basées sur le genre. Voilà, c'était des hommes qui se sont exprimés sur Isanganiro dans l'émission Gilichouche Kirige de ce vendredi. Les habitants de la cellule Nhenga en zone Kanyosha de la commune Muhammeri de Bujumbura disent qu'ils n'ont pas d'eau potable. Ils signalent qu'ils utilisent l'eau impropre de la rivière Kizingwe et craignent des maladies dues au manque d'hygiène. Ces habitants demandent à l'État de leur venir en aide pour qu'ils soient alimentés en eau potable. C'est un reportage d'Audrey Akimana. Moi, je suis Minan Pogitega. Je voudrais dire que les violences faites aux femmes sont plus considérées et on oublie celles faites aux hommes. Il arrive que les hommes soient victimes de violences basées sur le genre jusqu'à fouir leur maison, mais rarement les femmes quittent leur maison. Le championnat national de basketball, la commission chargée des compétitions au sein de la Fédération Bourgogne. Vous voudrez bien nous excuser, l'élément qui était en train de passer, ce n'est pas celui que nous avions commandé, sinon nous vous disions que les habitants de la cellule Nhinga, de la zone Kanyosha, en commune Mouhado, la mairie de Bujumbura, manquent d'eau potable et ils demandent au gouvernement de leur venir en aide et d'alimenter leur localité en eau potable. Voici donc le reportage d'Audrey Akiman. Ces habitants de la cellule Nhinga disent que son manque d'eau potable vient passer plusieurs jours et expliquent que leurs enfants sont menacés par les vers intestinaux parce qu'ils consomment l'eau souillée provenant de la rivière Kizingwe qui n'est pas propre. Ils demandent d'être alimentés en eau potable pour ne pas continuer d'être menacés par les maladies causées par le manque d'hygiène. Les femmes qui utilisent souvent de l'eau de cette rivière signalent que ce n'est pas facile pour préparer le repas car elles parcourent de longues distances pour arriver où elles peuvent trouver des robinets. Le chef de la cellule Nhinga, Jean Kabura, confirme être au courant de cette situation. De son côté, le retard dans la viabilisation est parmi les causes de son manque d'eau potable, même s'ils ont essayé de creuser les caniveaux où peuvent passer les tuyaux pour avoir de l'eau propre. Il propose que la protection civile les rapporte de l'eau fournie par les camions citernes en attendant que le projet de la viabilisation de la cellule Nhinga soit achevé. Cette manque d'eau potable dans cette localité vient de passer plus de 5 mois, selon ses habitants. C'était un reportage d'Audrey Akimana. Vous voudrez bien nous excuser pour ces petits ennuis d'aiguillage du reportage. Et l'équipe féminine de football du Burundi joue son match de phase de groupe avec le Botswana dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations Féminines prévue au Maroc du 2, c'était avant-hier, au 23 juillet. Ce match a lieu ce lundi à Rabat à 22h heure de Bujumbura. Les demi-finalistes seront qualifiés pour la Coupe du Monde 2023 qui se déroulera en Australie et en Nouvelle-Zélande. Le Burundi est dans le même groupe C avec le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Botswana. Et puisque nous parlons du football africain, sachez que la Confédération africaine de football, CAF, a pris la décision attendue d'organiser la prochaine Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023 en janvier-février 2024 plutôt qu'en juin-juillet 2023. Son président Patrice Motsepe l'a annoncé à l'issue d'une réunion du comité exécutif organisé en marge de la CAN 2022 féminine. Ce 3 juillet à Rabat, le Sud-Africain a invoqué le climat en Côte d'Ivoire pour justifier ce décalage. En effet, la période des mois de juin-juillet correspond à la bien connue saison des pluies dans une grande partie des pays du Golfe de Guinée. Le patron du football africain a en revanche assuré que les préparatifs ivoiriens pour cette compétition ne sont pas en cause. Nous reviendrons sur d'autres nouvelles brèves en actualité africaine et internationale hors de France. Mais avant cela, la chronique sport. Dix clubs, dont 6 membres de l'association de basketball de la mairie de Bujumbura et 4 de l'intérieur du pays, s'affrontent chaque année dans le championnat national de basketball. Lionel Bagnier-Zako, porte-parole de la Fédération burundaise de basketball, fait savoir qu'avant de commencer ce championnat national, différents tournois sont organisés dans le but de détecter des talents des joueurs. La chronique sportive est aujourd'hui signée Charles Makoto. De démarrer le championnat national de basketball, la commission chargée des compétitions au sein de la Fédération burundaise de basketball organise le championnat d'ouverture qui rassemble les clubs qui ont validé leurs billets pour disputer le championnat national. Cette explication, nous le devons à Lionel Bagnier-Zako, porte-parole de la Fédération burundaise de basketball. Comme vous le savez, c'est pas au Burundi seulement, mais ailleurs. Le championnat ou bien la ligue est commencé par le tournoi d'ouverture. C'est un signe qui montre que l'année sportive est porte ouverte, c'est-à-dire qu'on entre dans le championnat après avoir fait le tournoi d'ouverture et le championnat est clôturé par play-off qui signifie que le championnat est terminé. À part ce tournoi d'ouverture, d'autres tournois ont été organisés où les premiers clubs qui ont gagné les trophées ont eu en enveloppe de 6 millions de francs burundais. Les tournois ont été organisés avant le tournoi de Tuvuba Basketball League. Il y avait le tournoi intitulé Viva Champions, il y avait la Super Coupe, il y avait Nani Mukari, il y avait la Renaissance à l'intérieur. Nous avons vu que l'équipe qui ont été primées jusqu'à 6 millions de francs bou, alors que le championnat national, auparavant, l'équipe championne avait 150 000 avec 3 barreaux. Vous voyez que c'est une différence énorme entre le championnat national et la Ligue nationale. Le porte-parole au sein de la Fédération nationale de basketball précise que 10 clubs, dont 6 de Bujumbura et 4 de l'intérieur du pays, croisent le fer dans les championnats nationaux qui se trouvent dans la phase retour pour le moment. Auparavant, avec le championnat national, il y avait les championnats provinciaux, il y avait des championnats à l'intérieur des provinces. Pour le championnat national, on dirait qu'il y avait au moins 8 matchs. On commençait par un quart de finale, demi-finale et de finale. C'était difficile pour les équipes de l'intérieur qui n'avaient pas beaucoup de matchs. Pour le moment, les équipes qualifiées de l'intérieur, ils ont la chance de jouer avec les équipes de Bujumbura. On ne serait pas étonné si on trouve qu'une équipe de l'intérieur devient championne parce que pour le moment, on commence à jouer dès le premier jour. Nous avons 10 équipes, c'est-à-dire que chaque équipe joue 9 matchs. On a 2 phases, il y a la phase aller et la phase retour. Pour le moment, nous avons déjà la phase aller. Dans la prochaine chronique sportive, Lionel Bagnézako nous parlera des défis auxquels font face les commissions chargées des compétitions au sein de la Fédération burundaise de basketball et les suggestions qui peuvent contribuer à aller toujours de l'avant. Charles Makoto, on revient sur d'autres nouvelles nationales et internationales. La coalition des associations militant pour les droits des enfants FENADEB dit être préoccupée par l'exploitation et la traite des enfants au Burundi, malgré les nombreuses dénonciations faites. Yves Ishimwe, chargé des programmes au sein de cette fédération, demande au gouvernement et à ses partenaires de conjuguer les efforts pour éradiquer ce fléau. On l'écoute. Voilà, à la technique, on m'en fait signe que l'élément n'est pas encore prêt. On passe à l'actualité internationale. Le 61e sommet de la CEDEAO a pris fin ce dimanche, 3 juillet à Accra, au Ghana. L'organisation ouest-africaine s'est penchée sur ses mesures de rétorsion à l'encontre du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée. Après la prise du pouvoir par des juntes, les chefs d'État de la CEDEAO ont considéré que les progrès réalisés par le Mali ces dernières semaines justifient une levée partielle des sanctions. Concernant le Burkina Faso, la CEDEAO a décidé de lever la menace des sanctions qui pesaient sur le pays depuis mars dernier. La Guinée échappe également aux sanctions, du moins pour le moment. Un sursis de mois lui a été accordé en raison de la nomination d'un nouveau médiateur, en l'occurrence l'ancien président béninois Thomas Boniyayi. Et en France, un mois et demi après la nomination d'Elisabeth Borne à Matignon, Emmanuel Macron a remanié son gouvernement. Le chef de l'État s'est trouvé contraint de changer son équipe après le revers des élections législatives. L'Élysée a annoncé ce nouveau gouvernement dans un communiqué ce lundi matin. Il compte 41 personnalités, 21 hommes et 21 femmes, en comptant la chef du gouvernement, Elisabeth Borne, même si ces dernières sont surreprésentées au poste de secrétaire d'État. On revient sur l'élément de la Fédération des associations militant en faveur des droits des enfants qui appelle le gouvernement à redoubler d'efforts pour éradiquer l'exploitation et la traite des enfants. Et c'est à travers la voix d'Yves Ishimwe. Il est chargé des programmes au FENADEB. Au cours de l'année passée, nous avons documenté au moins 481 enfants qui sont victimes de la traite, que ce soit dans le pays et à l'extérieur du pays. Mais aussi, il y a des formes, comme j'ai dit, des pires formes de travail où des enfants sont engagés dans des conditions de travail qui violent leurs droits, des conditions de travail qui les empêchent d'aller à l'école, des conditions de travail qui les empêchent de jouir pleinement de leurs droits. Et ça aussi, c'est une réalité au Burundi, mais il s'avère difficile à monitorer du fait que vous allez constater que dans différentes provinces, que ce soit à Mérida, Bujumbura ou dans les autres régions du pays, où des enfants sont employés dans le ménage. Même avant l'âge légal de travail qui est accepté au Burundi, mais qui sont obligés de travailler parce qu'il y a différentes raisons qui les poussent à travailler. Et parmi ces raisons, il y a la pauvreté dans les familles, mais aussi il y a d'autres raisons comme la tromperie ou aussi gens qui profitent de la naïveté des enfants pour les attirer à aller travailler. Et c'est aussi une situation constatée ici et là, mais dont on n'a pas les chiffres exacts sur toute l'étendue du pays. Mais aussi, il faut s'engager dans des sensibilisations de la population pour qu'ils comprennent vraiment ce que c'est la traite, pour qu'ils comprennent leurs droits, afin d'en faire valoir, afin d'en réclamer, parce que s'ils ne comprennent pas ce que la loi leur garantit, donc ils ne vont pas réclamer cela. Donc ils ne vont pas voir que cela est défendu par la loi, mais ils vont plutôt être exploités et leurs droits vont être bafoués d'une manière ou d'une autre, sans pour autant faire recours à la justice. Donc, il faut aussi cette sensibilisation, que ce soit de la population, mais aussi des autorités judiciaires qui doivent appliquer la loi, parce qu'ils doivent aussi appliquer la loi telle qu'elle est pour contribuer significativement à la lutte contre ces violations des droits de l'enfant. C'était Yves Ishimwe, chargé des programmes à la Fédération des associations engagées dans le domaine de la défense des droits des enfants. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Il est 13h13 à Bujumbura et sur Isanganiro.